Salut les amis. Salut Charline. Bon, j'ai tout préparé de chez moi, j'ai les sujets, les angles, et j'ai même quelques vannes. Ah oui, des longs. Tu vas finir comme Daphné Roulier toi si tu continues. Mais quoi Daphné? D'abord, c'est mon idole, c'est un exemple de rigueur. Ah bah, ça c'est sûr. Trop carré quand même. Elle est même carrément chiante. Non, Daphné c'est la classe, hein. Professionnalisme, élégance. Écoutez, c'est bien simple, elle bosse dans le bureau d'à côté, on ne l'entend jamais. Tu m'étonnes. Salut les gamins. Excuse-nous, on fait trop de bruit, c'est ça. Non, non, pas du tout, j'étais au casque, j'écoutais de la zik. Sepultura, j'adore. T'écoutes du hard rock toi? Bah oui, oui, bien sûr. Du bon hard, du début des années 90. Là, mon vieux, ça a envoyé. Aujourd'hui, c'est mou, que des petites filles. Non mais attends, t'es sacrément cool comme meuf, Valentin. Pourquoi tu dis ça? Non, rien, pour rien. Parce non, que je... Daphné, pourquoi tu venais nous voir, au fait? Tu cherches un livre? Un livre? Non, elle est con. Non, comme vous avez un frigo, je voulais juste savoir si je pouvais mettre les bouteilles de vodka. Ah ben non, tu peux le vodka? Bah oui, une petite bouteille de temps à autre, ça m'inspire. C'est marrant, ça, quand on te voit, on t'imagine plutôt Madame de Sévigné, en fait, c'est Bukowski, quoi. Mon vieux, Bukowski, à côté de moi, c'est Saint-Augustin. Vous voulez un shot? Elle est un peu chaude, mais ça passe. Non, ça va aller. Ça va aller. Non, c'est bon, merci un peu tôt. Dites, Manoukian, il est là par hasard? Il arrive, pourquoi? Je le trouve pas mal, quand même. Non, mais Daphné, mais t'es mariée, t'as un mari super, mais enfin, excuse-moi. Oui, d'accord, il est super, mais la fougue arménienne, faudrait pas me proposer deux fois. Ah bon? Attends, carrément, Cette virilité, ce poil et cette virtuosité, quand je le vois d'aider, oh, j'ai envie d'être un clavier de piano. Bon, on lui transmettra. Bon, je vous laisse bosser, je vais faire mon petit roupillon de 11h. Il y avait une soirée à Canal hier. Oh là là là là, c'est bien simple, on a terminé en sniffant du desktop. Du desktop, d'accord. Salut, bah bon boulot. Salut. Eh, dis donc, comment tu disais qu'elle était, toi? La mère Roulier, un exemple de rigueur. Ça veut quand même dire que je suis la plus sérieuse de cette maison. Mon Dieu, non mais c'est la honte, quoi. Ouais, c'est surtout la vodka. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et coucou à Daphné Roulier qui nous a chauffé le DD, on va pas s'en remettre. Je suis obligé de rester toute l'heure, Charline, là, parce studio, que j'ai une course à faire urgente. Non mais là, Daphné, faut la laisser travailler, hein. C'est pour ça. Allez, vous écoutez l'émission qui passe l'actualité à la ponceuse et voici les trois informations que nous allons aborder jusqu'à 18h. François Hollande est en voyage aux Philippines et en super-héros du climat, il a su s'entourer de deux belles héroïnes, Marion Cotillard et Mélanie Laurent. François, il aime les filles à la vanille. Si vous étiez coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps? Oh ben, ça dépend de ce qu'on aurait pour survivre. Se déconnecter, c'est mourir un peu. Un journaliste a essayé pendant 90 jours et il est rentré vivant et voici sa conclusion. Alors, malgré ce qu'il y en a qui disent sur le matériel qui est sacré et tout ça, on peut le foutre en l'air le téléphone. Mais oui. Ne sortez plus, vous baladez dans Paris sans un casque, les drones sont de sortie, les ovnis se banalisent et fascinent. J'ai vu ces choses. C'était une machine. C'était comme un balai de lumière. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Ah, vous n'avez pas de métaphore pour moi aujourd'hui? Ah non. Vous avez été boire trop de vodka avec Daphné Roulier. Autour de la table à 17h20, l'homme qui parle le langage universel, celui de la musique. Avec celui-là, il est compris dans le monde entier et c'est tant mieux, parce que sans celui-là, il serait probablement compris nulle part, même pas ici. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Donc, de quoi on va parler? Hey, devinez de quoi de on va voisine. Parler. On va parler de c'est ma l'invité. Voisine. Oh, j'ai le droit de le dire? Pas tout de suite. Alors, on l'entend. Je vais juste présenter votre collègue et puis on passera à la voisine à 17h40, notre Tintin reporter, comme le belge à la houppette. On ne sait jamais vraiment sur quoi il enquête, mais à la fin de l'histoire, tout le monde le trouve sympathique. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex Vizorek, bonjour Charline. De quoi on parlera? Alors moi j'ai contacté des fabricants de ce scandaleux objet maléfique responsable de la psychose ambiante, le fameux drone. On m'a souvent demandé si je pouvais les filmer les voisines en train de bronzer sur leur terrasse. Ouais, enfin c'est pas mal comme objet en fait. Il y a vraiment un problème de voisine. Alors c'est qui cette voisine? Eh bien chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Baudouin de Belgique, comme nous Alex. C'est vrai. Comme nous. C'est vrai. Vous montez sur scène lors d'un spectacle hommage à Jacques Brel en 79. C'est l'année où Sim chante en duo avec Patrick Topalov. Chouette. Ah bah, évidemment. Vous sortez votre premier album qui s'intitule Danser en 86. Quand Stéphanie Monaco chante Ouragan, ce qui est assez fondateur dans votre carrière. Et oui, et vous devenez juré dans La Nouvelle Star en 2012, une émission dont la modernité est mise en exergue cette année-là par la fin du service Militel. Et donc vous êtes pas militaire. Militel. La modernité, quoi, le. Enfin, l'autre aussi. Hein. Et donc vous êtes, je vous laisse dire, vous êtes. La voici. Bon, eh bien, je vous annonce que nous avons avec nous Morane. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Morane, je sens que vous avez déjà tout compris à l'esprit de cette émission, à son concept, c'est qu'il n'y a pas de concept. Mais j'aime bien le bordel, moi, franchement. On dit les joyeux Bordeaux, les joyeux Bordeaux. Que vous appelez un brol, parce que quand vous avez fait un mini Big Bazar, vous l'aviez appelé le mini brol. C'était le début de votre carrière. Et un jour, j'ai même eu un t-shirt où, à la hauteur de ma poitrine, il était écrit mini brol. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais ça, c'est pas du mini brol. le brol, donc c'est le bordel en belge, c'est ça? Non, c'est le bazar. Ah, le bazar. Le bazar. C'est joli. Exactement. C'est une chose. On dit, passe-moi ce brol. Et si vous voulez en savoir plus, c'est ce que Morane explique dans Trop Forte. C'est votre livre paru chez Michel Lafon, qui est une autobiographie. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, carrément. Alors, à quel âge, vous le dites, moi je le sais, hein, mais à quel âge on vous a dit pour la première fois que vous aviez une très belle voix? Et qui vous l'a dit? Est-ce qu'on vous en rappelait? Eh, écoutez, je devais pas être bien vieille parce que... Je me rappelle que c'était dans le cadre d'une fancifère. Les fancifères en Belgique, il faut expliquer, ce sont des fêtes d'école. Et j'étais déguisée en petit chaperon rouge. J'étais très jolie, comme ça. Et on m'a fait monter sur une table du haut de mes 3-4 ans. Et j'ai chanté un super tube de l'époque qui faisait « Moi, je dors avec nounours dans mes bras ». Et j'ai eu un succès fou qui était chanté par Karine et Rebecca, des deux petites Belges qui avaient elles-mêmes des parents musiciens. Et j'ai fait un tabac. Et c'est comme ça. Mais alors, quelqu'un vous a dit « Je crois que ce n'est plus la peine que tu ailles à l'école ». Ah, mais ça, c'était plus tard. C'était plus tard. Ça, c'était plus tard. Je devais avoir 14-15 ans. C'était mon ancien professeur d'histoire de l'art qui était venu me voir chanter dans un magnifique petit café-théâtre qui s'appelait le Cotapoule, et qui après est venu me trouver en disant « Claudine, parce que c'est mon vrai prénom, Claudine, c'est plus la peine que tu viennes à l'école, t'es faite pour ça, chante ». Vous diriez ça à un jeune aujourd'hui de 14-15 ans qui voudrait faire de la musique? Oui, je pense que si vraiment je sens que c'est vraiment viscéral, porté par la fougue et l'envie, et voilà, et qu'il y a quelque chose, oui, je dirais ça, oui. Et vous avez suivi son conseil? Vous n'êtes plus allé à l'école? Oui, j'ai suivi son conseil. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Mais là, vous écrivez des livres, alors. Voilà. Oui, alors, le livre... Pas toute seule, hein, quand même, je tiens à le dire. Le même livre qui s'intitule « Trop forte » par Morane, paru chez Michel Lafon, où vous parlez notamment du combat de votre vie, votre poids. Mais moi, je crois que ce que j'ai trouvé plus intéressant encore, c'est le côté, le rapport que vous avez au chant. Quand vous dites « Je donnerais la foi de chanter à mon pire ennemi », oui. C'est tellement... Alors, il y a un passage que j'aimerais lire parce que je pense que ça va inspirer un commentaire à André Manoukian déjà. Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, on sent que vous avez fréquenté André Manoukian. Je veux dire, pourquoi? Je lis l'extrait. Alors, vous dites, ça part du bas-ventre pour jaillir par le sommet de mon crâne. Le diaphragme et la bouche sont un tuyau. Je me tords presque imperceptiblement, comme on incline l'archet sur les cordes d'un violon. Et la note sort différente. Le plus souvent debout, les jambes un peu écartées et fléchies. Oui. J'imprime un léger balancier de gauche à droite. Les énergies circulent. Il faut arrêter de fréquenter André Manoukian. Non, c'est pas très glam. Je reconnais cette position. Non, pour pourquoi chanter. Pas. C'est imagé, si, en tout cas. Si, moi, je chante très, c'est vrai, campé sur mes jambes, les jambes un peu pliées, le bassin en avant. Mais effectivement, et ça pour dit le quoi, bassin. Mais ça, et ça dit quoi? Ça alors, dit vas-y, la seule André. Réalité du chant, en fait, quand vous croyez que je délire quand je vous parle non, de. Non, non, non. Et pourtant, André ne chante pas. Mais voilà, mais c'est moi, je suis amoureux de la voix. Pour moi, c'est le plus bel instrument qui soit. Et c'est vrai, quand on voit Morane sur scène et qu'elle est dans cette posture là, ça semble complètement naturel vu les sons qu'elle envoie. Il y a une image qui va encore plus loin, c'est à la fin du cinquième élément, vous savez, quand elle se retourne comme ça, puis qu'elle balance un son. Le film de Luc Besson. Oui, c'est ça. Morane joue dans le cinquième élément. Non. Voilà. C'est pas dit dans le livre. Pour ça. Moi, la chanteuse, elle a un pouvoir incroyable et on manie une énergie incroyable. Mais et... est-ce que tu joues du piano avec les jambes arquées, le bassin vers l'avant? Oui, figure-toi que oui, les jambes légèrement écartées, le pelvis légèrement en action. Sur le... mais à Jeanne Chéral, vous avez analysé sa position. Exactement. Sur le piano. Elle, elle chevauche comme une rideuse, ouais, c'est ça. Très bien, tout c'est ça. Pas, mais c'est cela. Ah, alors, oui. Ça n'est pas moi qui invente ces métaphores sexuelles. Vous prenez n'importe quelle c'est prof même de pas chant. Des métaphores Morane, sexuelles. Défends-moi. Mais Charline, elle présente non, comme ça je, l'émission je... aussi. Regardez-la. Oui, elle est comme ça. Souvent, quand tu parles de la voix, même si quelquefois tu dis des trucs que personne ne comprend et même pas toi, je dois dire que quand tu parles de la voix, tu dis des choses très réelles avec lesquelles je me sens complètement en accord. Voilà. C'est aussi vrai que tu chantes avec ton sexe. Enfin, allons-y, on va chercher le son. On chante aussi avec son sexe, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est écrit. Hein, moi, c'est du pipeau, livre, moi, plutôt. Paru n'essayez pas de le faire chez vous, hein, ce sont Michel des professionnels, bien sûr. Est-ce qu'il y a moyen de travailler dans cette émission? Quoique, est-ce que vous n'auriez pas bu un peu de vodka avant cette émission? Pardon, madame. Hein, je pense qu'il y a des mauvaises influences qui se perdent. Donc le livre de Morane, Trop Forte, c'est paru chez Michel Lafon. Il y a bien sûr votre rapport au poids, aux nombreux régimes, vous expliquez, vous avez tout essayé. Et surtout votre rapport au chant, qui est très joliment dit. Je me demande comment Jimi Hendrix, il devait y avoir quelque chose aussi de très campé, de très sexuel, de très le rock. LSD. De très... Ouais, ça doit être ça. On va essayer de se l'imaginer en l'écoutant. Tiens, allez, c'est parti. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. We'll be right back. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Morane et André Manoukian. Dans une dizaine de minutes, vous allez nous parler de notre invité que vous connaissez bien. Vous la connaissez par cœur. Je la connais par cœur, mais par chaque cœur, fois que je la vois sur scène, il se passe la même émotion. Quelque chose d'érotico-cosmique. Hein, oh bah oui, c'est de normal. Mais de cet ordre-là. C'est le chant qui veut ça. C'est la normalité. Mais... Oui, nous sommes aussi avec Guillaume Meurice qui nous parlera des drones. Mais oui. Et l'autre érotico-cosmique de la bande, c'est Alex qui est en transe dès qu'il s'agit d'actualité. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et tiens, cher Morane, nous allons d'abord parler de ce fameux voyage aux Philippines de François Hollande. Il est arrivé, il est arrivé ce matin avec de nombreux chefs d'État et les Philippins ont le sens de l'accueil. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier ? Eh bien, ils ont dégoté un petit joueur de xylophone. je vous jure que c'est vrai. Si les présidents marchent que ça, et hop, le type, il joue un morceau en lien avec le pays du chef d'État. On va écouter ce qui a été joué pour François Hollande, essayer de deviner. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, un point pour moi. Alors, il faut voir la tête de François Hollande quand il regarde le joueur des xylophones. Est-ce qu'il a dansé ? Non. On vous conseille la vidéo. Oui. Ce petit sourire gêné devant le xylophone. Petit sourire gêné présidentiel, c'est toujours savoureux. En tout cas, il s'est entouré, le bougre. Hein. Ah, il n'est pas parti que n'importe qui. On en parlera tout à l'heure. André ? C'est juste, ça n'est pas un xylophone, c'est une marimba. Hein. C'est-à-dire, la différence, c'est que... Oh, bon, alors là. Voilà, c'est ça. Un genre de marimba. Merci. Exactement. Eh bien, le HuffingtonPost.fr peut corriger son article. Voilà. Parce qu'il écrit xylophone. Un marimba sexuel. Et est-ce qu'il y a d'autres chansons? Ah, Obama est passé au même endroit. Ah, ouais. Et qu'est-ce qu'on a joué pour Barack Obama? Ah, c'est la bande originale d'un film. Midnight Express. Non. C'est la BO. Ouais. Du flic de Beverly Hills. Alors, je ne sais pas ce qui leur a donné l'idée aux Philippins de choisir ça, mais un type noir qui flingue à tout va, c'est quand même stigmatisant. Ah oui, bah c'est stigmatisant pour les noirs. Ah non, je disais ça pour les types qui flinguent à tout va. Ah, très bien. Infosport à présent. Oui, Franck Ribéry a mentionné l'envie aujourd'hui de devenir allemand. Non, mais non. Je vous jure que c'est vrai, dans une interview au journal Bild, il a déclaré être très heureux là-bas et vivre à l'allemande. Il a dit « Mes enfants sont bons à l'école ». Et oui. Et il a dit « Ma fille aînée se moque toujours de mon allemand. Alors, je ne l'ai pas appris à l'école, mais dans mon quotidien, par les gens. » Ah oui, bon, bah, comme le français, quoi. Comme le français. C'est ça. Info économique, à présent. Oui, la France aurait perdu de 400 à 700 millions d'euros à cause des montages fiscaux de McDonald's. Et ça, je vais vous dire, j'ai du mal à le digérer. Ah bah, ça se passe comme ça, chez McDonald's. Hein. C'est sûr. Et on termine par une info, Charline. Vous allez être fiers de moi, parce qu'une bonne revue de presse, eh bien, ça se fait en cherchant des articles un peu partout. J'étais sur Haute Vidéo. C'est un site en soi, Haute Vidéo. C'est une belle interview réalisée par la journaliste Nikita d'une personne unique en France. Écoutez, je crois que ça va vous amuser. Nous allons rencontrer le plus vieil acteur porno français encore en activité, Bernard Lépine, 94 ans. Bernard, alors, comment ? Suivez-moi. Bonjour monsieur. Tu es la bienvenue chez moi, hein ? C'est Bernard Lépine, le plus vieil acteur porno français. Il s'appelle Lépine. Et oui, c'est peut-être un surnom, comme je le sais concours, pas. Bien sûr. Je ne vous cache pas que Nikita n'était pas très très habillée pour faire cette interview, mais elle a vraiment posé des vraies et des bonnes questions à cet homme qui est le plus vieil acteur porno de France. Vous êtes toujours en activité ? Ah, toujours. Tant qu'on m'appelle, je respecte mes contrats. Pourquoi vous êtes rentré dans ce milieu-là ? C'est quoi qui vous a attiré ? Comme mon petit-fils, il m'a dit... Ah, pourquoi tu peux pas taper, tu fais du porno, mais c'est pour gagner des sous. Eh ben oui, mais c'est ça le type. Oui, mais c'est pas facile, 94 ans, petite retraite, il a rendu ses fins de mois. Je vous cache pas que dans l'interview, il y a des choses que je ne peux pas diffuser à 17h, mais comme le xylophone, je vous conseille la vidéo sur votre vidéo. Petit clin d'œil final quand même pour quitter cette belle interview. Eh bien, merci beaucoup Bernard. Oui. Ce fut un honneur. Ah, moi aussi. Et puis, ben, j'espère vous revoir sur... sur un film ou boire un café. Si on se revoit, ça sert pas pour boire un café. Beaucoup d'humour, Bernard. C'est devenu mon idole. Depuis cet après-midi, je suis content qu'il y ait des enfants dans le studio. Et c'est là que je suis censée vous remercier pour ce travail. Mais vous n'êtes pas obligé. Très bien. Merci pour ce moment. Je pense que l'information la plus importante, la plus percutante de votre vue de presse aujourd'hui, Alex, c'était cette information sur McDonald's. Oui. Lorsque là, on était dans le factuel, dans le sérieux. C'était une vraie info, ça. Et Morane, à 20 ans, vous avez fait la pub pour le Big Mac sur la radio en Belgique. Eh oui, avec Philippe Lafontaine. Je vous le chante. Cœur de loup. Ouais, allez-y, allez-y. Alors, tu ne le trouves que chez McDonald's. Petit pain au sésame, avec une sauce spéciale. Laitue, fromage et du bœuf sans 100%, le Big Mac est unique. Tu le trouves exclusivement chez McDonald's. 100% bœuf, des cornichons, des oignons. C'est tellement con, non, ça dirait. C'est incroyable. Oui, vous êtes sur France Inter ou il n'y a pas de publicité? On s'en fout. Surtout quand on lit votre bouquin et votre rapport au poids, etc. Morane, mais là, vous allez retoucher des sous, du coup. J'espère bien. Oui, il y a intérêt. C'est étonnant. Alors, Morane, vous écrivez trop forte chez Michel Lavon. Mais vous êtes trop forte parce que vous êtes trop géniale, c'est juste ça. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 18h et avec vous on va aborder le premier sujet. On change le monde ici. Changeons le monde. Je vais reprendre les choses en main parce que si on compte sur Vizorek, on n'est pas arrivé. Premier sujet, François Hollande est parti préparer la conférence climat de Paris. Il est gentil. Aux Philippines. Et il n'est pas seul. De cheval, excusez-moi. Il a emmené... Il a emmené Mélanie Laurent et Marion Cotillard et nous avons demandé à... Les plus moches. Oui, il est bien entouré. Nous avons demandé à Marion Cotillard comment elle a été choisie. J'étais très tentée, en même temps j'avais une réticence parce que je me demandais pourquoi il me le demandait à moi, comédienne. J'avais peur qu'il me demande de faire un commentaire... jouer quelque part, interpréter, disons, alors que moi j'aime une narration très très simple et justement sans pousser l'émotion qu'il y a déjà à l'écran. Oui, la narration très simple, c'est quand même caractéristique de Marion Cotillard. Alors cela dit, on va être tout à fait honnête, nous avons détourné un commentaire, parce qu'elle a prêté sa voix pour des documentaires animaliers, notamment sur l'ours blanc. Donc ça montre sa conviction sur le sujet du climat. Mais il n'y a pas de Manoukian qui dit des trucs qu'on ne comprend pas. Hein, moi, je trouve. Alors on se demandait, donc il a emmené deux actrices, sachant qu'il partage la vie notamment d'une actrice. C'est ça qui est rigolo dans le sujet. Officiel, c'est c'est pour une noble cause, le climat. Alors, est-ce qu'on peut faire une distinction? Il y a par exemple Sophie Marceau, quand elle part en Chine, c'est pour vendre des automobiles, notamment pour, je crois que c'était Renault, Citroën ou Peugeot. Enfin, c'est un autre climat, en fait. C'est un autre climat pour l'économie française. Et Marion Cotillard et Mélanie Laurent accompagnent le chef de l'État pour le climat. Vous pourriez être ambassadrice, accompagner François Hollande? C'est quelque chose qu'on accepte facilement? J'ai des trucs mieux à faire, mais bon... voilà, si ça leur plaît, François, j'ai beaucoup de choses à dire en tant que personnalité publique, connue dans le monde entier, on lui demande ça, on ne sait pas si c'est bien pour son image. Déjà, je trouve que c'est pas mal qu'il se penche sur l'écologie, parce que pour moi, c'est une des premières choses à régler, parce que vous pouvez mener tous les combats politiques que vous voulez, si la planète pète les plombs, à un moment donné, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, donc ça... Ça, c'est pas mal en soi. C'est vraiment un enjeu. Maintenant, pourquoi Marion Cotillard et Mélanie Laurent, qui sont un peu les têtes de turc des humoristes et qui sont un peu considérées comme têtes à claque. Parce qu'il y a eu une vidéo sur Mélanie Laurent où on a dit qu'elle avait le melon, il y a Marion Cotillard, etc. J'ai vu ça, oui. Et ce sont les deux ambassadrices rêvées à l'international pour un sommet climat qui est un enjeu colossal. C'est fou ce qu'on traite. Elles sont très jolies, mais alors du coup, c'est très contradictoire avec le but du jeu de François Hollande, parce que elles vont faire, au contraire, monter le niveau des océans. C'est pas le but du jeu. Alors, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Oui. Donc, Marion Cotillard a suivi François Hollande pour lancer l'appel de Manille depuis les Philippines. Et vous allez... On va écouter un extrait. Écoutez bien, parce que le son n'est pas excellent. Ouais, pour voir vraiment toute la conviction que Marion Cotillard met au service du climat et d'un beau discours à portée internationale. Pour accélérer l'action collective. Nous avons besoin d'un accord pour réduire les émissions, créer des opportunités. Appelons à la solidarité et à la justice face au changement climatique. Nous avons besoin d'un accord négocié et accepté par tous et pour tous. On sent les ours blancs qui se suicident. Toutes les différences de situation et fasse converger diverses perspectives. Vous la sentez bien, la conviction là, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle a envie de pleurer, qu'elle est en larmes, s'effondre. Elle doit être sous l'exovie. Oui. C'est difficile de suivre François Hollande, il a un rythme effréné quand même. C'est peut-être de la fatigue, je ne sais pas. Mais oui, mais enfin, en tout cas, on voit qu'elle lit son papier. Elle avait l'air de mettre plus de conviction à Sean Penn, c'est dire. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de le faire lui-même, Hollande? Je pense qu'on peut prendre ça comme conclusion de ce premier sujet. Si vous validez, c'est d'accord. Si c'était une actrice américaine, elle y aurait mis son cœur. On aurait vu l'ours blanc. Mais non, parce que il y aurait God partout. Elle veut pas. Oui. And thanks God, and oui. I want to thank God for because it's amazing. It's amazing. It's so great. Just amazing. It's just amazing. Elle ne veut pas surjouer parce que ça ferait pléonasme. Le sujet. Elle ne veut pas jouer du tout. En fait. Le sujet est grave si je l'ajoute dramatique. Les Français, on a une certaine pudeur par rapport aux Américains. Alors André, franchement, il n'y a aucune conviction et aucun peps, et c'est pas du tout convaincant quand même. Par contre, il veut la pécho, André. Enfin voilà, ça me paraît évident. Là où vous allez être beaucoup plus convaincant, je suis certaine, c'est quand vous allez parler de notre invité. Ah. Et la voisine. La voisine. En fait, j'ai un scoop. Parce que Morane n'est pas une chanteuse. C'est un instrument. Un instrument brésilien qui a été conçu par accouplement de deux continents, le continent africain et le continent sud-américain. Cette copulation fut joyeuse, même si l'on sent des brumes de nostalgie au détour des ornementations vocales de Morane. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une musicienne. Vous connaissez la différence ? C'est Duke Ellington qui a tout son big band. 5 minutes avant de rentrer sur scène, il convoque les trombones. Il dit, les gars, l'introduction, on la joue un ton plus haut. Le pianiste, arrivé à la mesure 34, tu vas faire un solo pendant 8 secondes. Le batteur, toi, tu vas prendre 4 mesures d'intro, etc. Et la chanteuse arrive à la fin, elle dit, et moi. Et Duke Ellington lui répond, toi, tu fais rien, ma chérie, comme d'habitude. Morane n'est pas une chanteuse. C'est une comédienne. Les histoires qu'elle raconte tireraient des larmes, même à des gens qui ne comprennent pas sa langue, le belge. Tant le sous-texte musical est chargé d'émotions. Elle fait partie de la confrérie orphique de celles qui font pleurer les pierres avec leur voix. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une voix, un son nouveau, inimité jusqu'à ce jour. Ni dans le continent francophone, ni dans le continent lusitophone. Car il y a du fado dans sa voix. On dit pas lusophone ? Ah si, on dit lusophone. Le lusitophone, c'est un instrument, vous avez raison. Car il y a du... Non, on dit pas le xylophone ? On dit la marimba. On dit la marimba. Il y a du fado dans la voix de Morane. Le fado, c'est ce chant de marins qui chantaient la tristesse de quitter leur femme à Lisbonne et leur maîtresse dans tous les autres ports du monde. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une direction. Elle donne le nord à tous les chanteurs blancs qui, comme Nino Ferrer, voudraient être noirs. Et elle réussit parce qu'elle est une des rares chanteuses à faire résonner la soul cachée de la langue de Molière. En cela, c'est la digne, voire seule héritière de Nougaro. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une langue ourlée qui rebondit sur des airs moelleux et roucoulants que la Belgitude partage avec Toulouse. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une variation de Bach, un envol sur un sujet clair exposé de façon calme. Morane n'est pas une chanteuse, c'est un batteur. Elle a un timing, une mise en place rythmique irréprochable. La pulse chevillée à la moindre consonne et quant aux voyelles, elle les fait vibrer en synchro sur le tempo et ne parlons pas de l'afterbeat qu'elle évoque par un simple mouvement d'épaule. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était l'afterbeat, Charline, j'y reviendrai une autre fois. Gashpati l'a déjà expliqué dans une chanson. Ah bah voilà. Rien à voir justement. C'est vrai ? Morane n'est pas une chanteuse, c'est un contre-chant avec lequel elle accompagne les solos de ses musiciens sur scène. Morane n'est pas une chanteuse, c'est un ambitus. L'écart entre sa note la plus grave et sa note la plus haute équivaut à peu près à l'écart du PIB entre la Sierra Leone et le Qatar. Morane n'est pas une chanteuse, c'est un vent, un zéphyr qui souffle sur ses cordes vocales et lui donne ce timbre incroyable de chanteuse brésilienne qui serait belge comme l'amour. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une incantation, une prière. Elle ne chante pas. Elle incante. En résumé, pour être chanteuse, il faut être instrument, musicien, comédien, avoir une voix, un tempérament, une direction, une langue, une variation. Il faut être batteur, il faut être un contre-chant, un ambitus, un zéphyr, une incantation. Le pire, c'est que même avec tout ça, c'est pas sûr que vous soyez chanteuse parce que vous n'êtes pas Morane, tout simplement. C'est Morane en chanson et avec nous sous ses yeux-là sur France Inter. Voilà, et si avec tout ce que André Manoukian vient de dire à mon sujet, je ne rentre pas en playlist sur France Inter, je comprends plus rien. Le message à Didier Barrault est lancé. Le message est passé. Et à notre programmatrice musicale Muriel Pérez. Je rappelle, Morane, que vous serez en tournée à partir du mois de mars dans toute la France et en Belgique. Vous serez le 19 mai aux Folies Bergères, oui, à Paris. Et je rappelle le titre de votre dernier album qui s'appelle Ouvre et qui est disponible depuis la fin de l'année. Il y a aussi des dates en Belgique. Mais oui. Le 7 mai au Cirque Royal, vous l'avez dit ? À Bruxelles. Non. À Bruxelles. C'est dit. Et puis le 8 mai au Forum de Liège. Et voilà. Ah, mais vous êtes chanteuse en fait. Oui. Manoukian, il dit n'importe quoi. Parfois. Il dit, vous n'êtes pas chanteuse mais du tout. Oui, il dit n'importe quoi. Mais il y a du charme dans ce qu'il dit. Enfin, il le dit bien. Oui, il le dit bien. Vous savez quoi, j'ai rendez-vous avec Daphné, là. Excusez-moi, il faut que j'aille. On y croit. On y croit. Daphné Roulier, c'est ça, hein? D'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, on aura mis du lien dans cette émission entre les gens qui travaillent à France Inter, bien sûr. Allez, tout de suite, sujet 2, une digital détox pour éviter le burn-out numérique. C'est un mal moderne et en français dans le texte. Et un journaliste en a fait un documentaire. Et maintenant, je vous dis tout. Non, la ferme. Il s'en est passé des choses en 65 ans, il s'en est passé, tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Ça va vous? Hein? Ça va bien? Alors qu'est-ce que vous pensez? Oui. Ça doit dépenser beaucoup de pétrole. Mais c'est fini le pétrole, maintenant c'est le kérosène. En attendant le carburant atomique, il va venir, le carburant atomique, l'atome, les neutrons. Et maintenant on va sur la lune avec un insecte. Avec un insecte? Allez, un insecte module. Un insecte module, les hommes deviennent fous. Les ravages de la déconnexion. Quand on se déconnecte, c'est, on redécouvre la vie. Extrait d'Hibernatus, bien sûr. Il y avait donc un documentaire diffusé hier soir sur Canal+, intitulé « Digital Detox » de Pierre-Olivier Labbé sur le sevrage numérique. Justement, vous êtes très technologie numérique. Très addict. Alors, est-ce que c'est la même logique un peu que le régime? C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de se sevrer par tous les moyens? Il faut. Vous savez, des fois, quand on est obligé, je suis partie à Cuba il y a 2 ans. À Cuba, c'est impossible de se connecter. Je suis partie 10 jours, 15 jours, je ne sais plus. Et donc, je ne pouvais pas me connecter. Ça fait un bien, en fait. J'étais ravie. Et vous y ressentiez un manque au début? Il faut aller dans une dictature, c'est ça, se déconnecter. Oui, exactement. Non, non, mais au début, j'ai râlé 2 minutes, mais après, c'était... C'était la messe, quoi. Moi, je vais en Corée du Nord tous les ans, c'est génial. Déconnecté. Guillaume Meurice. Non, mais il faut se déconnecter de temps en temps. C'est vrai que ça fait du bien. Mais par contre, après, quand je reviens chez moi, on passe un temps fou là-dessus. Alors, il y a un côté un peu compulsif, et vous l'évoquez. Vous dites dans votre livre que vous êtes sur Twitter depuis quasiment le lancement de Twitter. Je ne sais pas exactement. Oui, enfin, je crois que je me suis inscrite un an après, un truc comme ça. Et je l'utilise depuis son invention, ou presque. Pour échanger avec les abonnés qui me suivent, que vous appelez les tweetpots. Les tweetpots. C'est mes petits tweetpots. Alors, il y a un psy dans ce documentaire qui était donc diffusé hier soir. Vous pouvez sans doute rattraper sur le VOD de Canal+. Hein. Le psy dit se déconnecter, c'est mourir un peu. Le monde tourne sans vous. C'est ce que vous ressentez aussi? Non. Non, ça non, pas du tout. Non, non, non. Franchement, quand je lève le pied, ça me manque pas du tout. C'est comme le champagne. J'adore le champagne. J'adore boire des coups, mais quand je peux pas le faire. Et ça, à Cuba, c'était dur aussi, j'imagine. Le champagne, non, ça, il faut pas. Il faut boire du rhum, des daiquiris, des... Non, des mojitos. Des mojitos, et puis des... C'est quoi l'autre truc? Oh, zut, je... Caipirinha, non, ça, c'est pas au Brésil. Ça. Non, mais allez, aidez-moi, du quoi, pastis. Zut, mais non. On va pas faire tous les alcools, ouais, là, on sur s'en le service public. Je vous rappelle que cette émission est placée sous le signe de la vodka depuis le début. Si vous avez raté le début, réécoutez ce que je vais dire. Mais après combien de verres de champagne vous déconseillez de tweeter? Ah bah, c'est-à-dire qu'après quelques verres de champagne, je conseille de tweeter. Oui. Quand ça, on relit le lendemain. Je tweete beaucoup. Ah bah, ça c'est Morano, au début. C'est pas Morane. Ah, c'est voilà. Morano. Oh là là, oui, bon, ne me comparez pas, je vous en supplie. Et, non. Oui, et si vous êtes nomophobe, ça veut dire que vous avez peur d'égarer votre téléphone portable. C'est ce qu'on apprend dans Alors, je suis moins nomophobe, alors. Ouais. Franchement, je m'en fiche un peu. D'ailleurs, j'ai oublié mon téléphone portable, là, en Belgique. Non, ça, c'est parce que vous avez de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on a peur de perdre son téléphone portable. D'abord, qu'est-ce que vous en savez, mon petit vieux? Et ensuite, qu'est-ce que vous en savez? Vous l'y faites, n'hésitez Guillaume pas, vous serez pas la première. Comme vous avez le crachoir... Ah oui, voilà, c'est à moi. Est-ce que ce serait pas le moment... Oui, concentrez-vous. Replacez-vous sur votre chaise. Faites un petit peu comme Morane quand elle chante. Ah oui. Bien, oui, bien, bien, bien ancrer les pieds sur parfait, le bassin en avant, voilà, le très, très glam. Voilà. Ça y est, j'y suis. C'est bon. Allez, on peut y aller. Allez, on y va. Eh bien, écoutez, on croyait tout avoir vu en matière d'angoisse. Les menaces djihadistes, la guerre imminente en Ukraine, le dernier discours de Marion Cotillard. Mais depuis quelques jours, on a clairement passé un cap en matière de psychose. Écoutez l'ouverture du journal de TF1 hier soir. Paris à nouveau survolé par des drones la nuit dernière. Vous verrez que les systèmes de protection, les avions de chasse, les radars sont impuissants face à ces objets volants non identifiés. Vous avez entendu ça ? Hein, tout y est, le ton, la musique, quelle angoisse ! J'étais tellement flippé après le reportage, j'ai croisé un moustique et j'ai fait une descente d'organes direct. Alors je ne suis pas le seul, hein, toute la France a peur des drones, ils sont partout. Il y en a même un qui a volé au-dessus du palais de l'Élysée, ce qui constitue un bouleversement total, car d'habitude, celui qui vole, c'est celui qui habite dans le palais de l'Élysée. Alors, qui se cache derrière tout ça ? Des fabricants de drones, bien évidemment, je les ai contactés. Écoutons Francis Duruflé, vice-président de la Fédération française du drone civil. On est exposé et on est présenté comme des objets inquiétants. Alors ça peut être une bonne pub pour vous, par exemple, si des gens d'Al-Qaïda Yémen qui regardent les informations françaises, peut-être ils vont vous commander un drone. Oui, effectivement, théorie pourra l'utiliser. Maintenant, les sommes mises en jeu sont tellement importantes que il y a qu'à voir ce qui s'est passé pour le 11 septembre. Ils n'ont pas fait l'acquisition des drones. Hein, S'il y a un terroriste qui vient vous demander conseil, vous lui conseilleriez peut-être plus un détournement d'avion ? Je leur conseille rien du tout. Hein. Ah bah oui, mais si, il faut conseiller les terroristes, c'est important. Il faut alimenter la peur, c'est très très important pour les audiences. Il manque de vice, ce vice-président. Il a même tenté de me rassurer. Ces produits-là sont effectivement peut-être pas si dangereux que ce qu'on s'imagine. Donc, mais si vous êtes dangereux, c'est TF1 qui l'a dit. Si TF1 a dit que vous étiez dangereux, c'est que vous êtes dangereux. Bien sûr. Mais je crois que TF1 avait peut-être dit aussi que les constructeurs de voitures étaient dangereux. Ah non, ça ils peuvent pas parce qu'il y a des annonceurs en fait. Ouais, voilà. Bah oui, voilà. Achetez des espaces de pub sur TF1 et vous verrez que les drones ne seront plus considérés comme des dangers. C'est quand même pas compliqué. Bon, oublions Francis, il est trop timoré. J'ai contacté la société Factorit et son directeur Alexandre Belay. Il n'est pas concepteur de drones, mais... Je suis pilote professionnel et donc je fais toutes les vidéos pour n'importe qui. Vous êtes pilote de drone ? Tout à fait. En quoi ça consiste, ça, pilote de drone ? Ça veut dire que vous êtes très petit et que vous vous asseyez à l'intérieur du drone ? C'est à peu près ça, ouais. Oui, mais non, évidemment. Hein. Si c'était le cas, Mimi Mathy aurait une chance de rejouer dans Top Gun. Mais non ! Non. Alexandre, Alexandre, il est pilote du sol pour les besoins de ses clients. D'ailleurs, quelles sont les demandes ? On m'a souvent demandé si je pouvais aller filmer les voisines en train de bronzer sur leur terrasse, mais généralement, on n'a pas trop le droit. Excellente idée. Pourquoi on n'a pas le droit ? Eh bien, parce que la législation vous interdit non seulement de survoler, déjà toute la région parisienne est interdite de survol, et en campagne, en fait, on n'a tout simplement pas le droit parce que, on a une éthique, en fait, qu'on est obligé de respecter. Donc, alors, attendez, on n'a pas le droit de survoler Paris parce que c'est interdit, et on n'a pas le droit de survoler la campagne parce que vous avez une éthique, donc vous survolez quoi ? On n'a pas le droit de survoler en campagne sans autorisation, en tout cas, de cette personne qui est en train de bronzer. Ah oui, mais alors là, c'est carrément nul. Si en plus, on ne peut même pas filmer des gonzesses à poil, ça m'étonne pas que TF1 n'y voit aucun autre intérêt que celui de susciter la peur. Alors, l'entreprise Amazon y voit un autre intérêt, les utiliser pour des livraisons, ce qui créerait certainement de nouvelles vocations, par exemple chasseurs de drones. Imaginez des types qui tirent dessus et qui récupèrent le contenu, hein, avec le suspense qui va avec. Oh, génial, un CD de Patrick Sébastien. Ou alors, oh merde, la biographie de Morane. Non mais, ou inversement, hein, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, bien sûr. Hein. Qu'en pense le fondateur de la marque de drones 6VO, des chasseurs de drones, hein, pas de la biographie de Morane. Des chasseurs de drones, il faut être un bon tireur, hein, je veux vous dire, pour tirer sur un drone. On pourrait imaginer des gens qui inventent des filets à drones pour récupérer toutes les commandes du site Amazon, par exemple. Après, on pourra attraper ces gens avec les mêmes filets avec lesquels ils ont essayé d'attraper les drones Amazon. Ah, il faudrait des filets à chasseurs de drones. C'est une très bonne remarque. Oui, alors là, ça permettrait d'alimenter encore plus la psychose, mais on peut trouver pire que les drones, moins cher et plus discret, les avions en papier. J'ai contacté le porte-parole du mouvement français des plieurs de papier. Ça existe, hein, c'est véridique. Il m'a parlé d'un virtuose de l'avion en papier. Il a travaillé notamment sur le pliage d'avions en papier les plus légers possibles pour que transporte ou vole quasiment tout seul. Ah mais alors attendez, il y a un risque pour la sécurité nationale, là, s'il y a des avions en papier qui survolent l'Elysée, par exemple? Ben, on espère bien, oui, pouvoir un peu influencer le cours du monde à partir d'une petite feuille de papier toute bête. Ah ben, ça fait peur, ça, quand même, hein? Ben, on peut, c'est le début de tout, hein, la feuille de papier. Donc, ça peut conduire à tout n'importe quoi. Et oui, prochaine enquête de TF1, le papier, cette arme qu'on utilise pour faire des livres et ainsi combattre la télévision et les marchands de peur. Cette arme vicieuse qui peut servir aussi bien à rédiger un traité de paix qu'un discours, de Marion Cotillard. Merci Guillaume Meurice. Et sur Twitter, Christ le Dieu nous dit que vous êtes très drone. Et comme ça, c'est pas moi qui le fais. Comme ça, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite, c'est sur Twitter. Morane est très très fâchée. Hein. Hashtag Parce que je voulais le placer, zut. Ah oui, c'est vrai. Oh bah oui, allez-y, forcément. Allez-y, dites-lui. Oh, c'est pas drôle. Nous sommes avec Morane qui a tout annulé pour nous dans une émission préparée par Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet. À la réalisation, Benjamin Riquet, restez avec nous, vous êtes sur France Inter. Please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. C'est The Avener, remix de Rodriguez. Rodriguez, vous rappelez Rodriguez, ce chanteur qui revenait d'entre les morts, cette légende, c'était en lui. Afrique du Sud, c'était lui, ouais. Une chronique antérieure d'André Manoukian, vous pouvez sans doute réécouter sur franceinter.fr, sur la page de l'émission. En attendant, nous sommes en compagnie de Morane, qui est avec nous jusqu'à 18h. Avec aussi Alex Vizorek et Guillaume Meurice, bien sûr. Nous sommes inséparables. Pour mon plus grand bonheur. Et demain, ça va être quelque chose au Salon de l'Agriculture. Oui, oui, nous serons au Salon de l'Agriculture demain à 17h. En attendant, Morane, on va travailler le troisième sujet. On va rebondir sur cette excellente enquête de Guillaume Meurice sur les drones. Sur car la les drones. De Morane. Ah non, les drones. Ben voilà, comme ça je peux rappeler. Et Michel voilà. Lafon, Morane, Trofeuft. Et voilà, c'est et tout ouais. Ce que vous avez gagné, Guillaume Meurice. Troisième sujet, les ça drones ont volé sur Paris. Donc déjà qu'on avait les pigeons. Eh bien, l'espace aérien devient terriblement dangereux pour François Hollande, hein, parce que si un pigeon lui a fait dessus, le risque est accru avec le drone. Cela dit, on vit en pleine science-fiction où l'OVNI se banalise. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que donc ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que donc ? Un oiseau, non. Une fusée, non. Un oiseau, une fusée ou un avion, non, non. Super du pompon, super du pompon, ça vous dit quelque chose? L'orchestre du Splendide. It's a bird, it's a man. C'était, ah, c'était la parodie de Superman, c'est ça? Super du pompon, c'est le super héros à la française. Oh, ça me fait penser à François Hollande. C'est le héros du climat aux Philippines. Je suis sûre qu'il a un petit collant et une cape comme Super du pont. Oh là là, attendez, il a son slip par-dessus son collant. C'est affreux Hollande. Alors, il y a des drones qui survolent Paris la nuit, ça inquiète les autorités. Il y a un fabricant français de drones qui en a vendu 700 000 l'année dernière. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Mais pourquoi faire? Mais alors, ça, alors, il paraît qu'à Noël, c'était le cadeau, Morane. C'est une responsabilité d'offrir un drone. Est-ce que ça, oui. Ça vous viendrait à l'idée, vous de... Bien sûr. D'ailleurs, je me balade avec des drones dans ma poche. Et j'en distribue régulièrement quand je vais faire mes courses. Les gens sont très contents. Vous prendrez bien un petit drone. C'est le nom d'un apéro aussi. J'en ai fait un apéro. C'est vrai? Un petit drone avec un petit chips. Ah, bon, écoutez, sentez-vous à l'aise. Faites-vous plaisir. On va l'inventer. Alors, par exemple, du côté de la Tour Eiffel à Paris, quand on va vous passer devant, il y a des tas de militaires. Et on se dit, parce qu'on est en plein plan Vigipirate, renforcé quand même, la situation est grave. De guerre. Mais et tous ces drones qui nous passent au-dessus du cigare là, avec tous ces militaires en bas, est-ce que ça paraît pas un peu dérisoire du coup cette protection au sol avec ces flingues et ces treillis? Est-ce que ça sert à quelque chose surtout? Les drones ou les militaires? Les deux. Non, les militaires au sol, est-ce que c'est vraiment... Non, est-ce que c'est... Vous pensez que c'est vraiment... Il ne faut pas leur dire, hein, par contre. Il ne faut pas leur dire. Non, je sais qu'ils font leur bossier. L'uniforme, mais... ça rassure certaines personnes. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, par exemple, ils peuvent, s'ils voient un drone, paf, boum, tire le drone? Est-ce que c'est envisageable ou pas? Le paf, boum, était très bon. Ah, vous êtes passionné oui. Pour le sujet, là. Mais non, mais je me suis dit, parce que oui, on dit, tout le monde sait qu'il y a eu des drones. Boum. Paf, boum, hop. Parce que mais c'est la nuit, c'est plus dur. Oui. Alors, cela dit, nous sommes en 2015. Rappelez-vous, c'est l'année où Doc et Marty sont de retour dans le futur, dans le film de Robert Zemeckis. Et si vous vous rappelez du film, je suppose que vous avez vu quand même bien ce film. Le film n'avait pas prévu les drones, si je me rappelle bien. Il n'y avait pas de drones. Non. Alors, il y avait des skateboards sans roues, par exemple, qui volaient comme ça. Vous, quand vous imaginiez le futur, c'est quelque chose que vous pouviez matérialiser. Qu'est-ce que vous imaginiez dans le futur? Oh là là, qu'est-ce que j'imaginais dans le futur? Pas des drones, en tout cas. Pas des drones. Mais je ne savais même pas que ça existait. À l'époque du film, est-ce qu'on parlait des drones? Non, pas du tout, ça n'existait pas. Ça y est, la planche volante, on n'est pas loin du drone. Moi, je suis plutôt midinette. Ce que j'imaginais dans le futur, c'est un monde meilleur, très, très uni, très harmonieux. Bah, vous viendrez demain ou au siècle prochain. Voilà, c'est ça, dans une autre vie. Est-ce que vous imaginiez, Morane, que je vous donne un rôle dans un sketch pour terminer cette émission? Est-ce que vous l'acceptez? Ah bah, c'est-à-dire, je ne sais pas. Ayez confiance. Attention, c'est un beau sketch, un beau sketch. Puisque je dis ce qui est en vert. Vous êtes en vert. André, vous avez un rôle aussi. André, vous êtes Bachar El Assad. Morane, vous êtes sa femme et Guillaume et moi sommes deux des quatre parlementaires français qui sont partis le rencontrer, alors que tout le monde trouve que c'est une mauvaise idée. Les quatre ont été là-bas, deux UMP, un PS, un UDI. Évidemment, j'avais laissé traîner des micros. Bonjour les Français, comment ça va? Bonjour monsieur. Appelez-moi Bachar et je vous présente ma femme. Bonjour, je suis la femme de Moustache. Arrête, c'est gênant. Alors qu'est-ce qui vous amène? Ben on voulait voir comment ça se passait ici quoi. Ah bah tout va très très très bien, vous restez pour dîner, j'ai préparé des tagines. Oui, ici tout va très bien. Je vous cache pas que... Mais non mon chouchou, tout va bien, on n'est pas au Nigeria ici. Ah bon, donc tout va bien, parce que quand on regarde TF1, parfois on pourrait croire... Mais non, tout le monde aime Bachar ici, d'accord. Il a gagné les dernières élections. Hein. Ah oui, c'était serré. Ah bon? Bah vous avez fait combien de pourcents? 97% seulement, mais mon opposant a quand même fait 3%. Ah, c'était un type bien à feu, son opposant. Ah, parce qu'il est arrivé quelque chose à l'opposant? Que c'est triste. On l'avait invité à manger. Ah, puis... je ne sais pas ce que j'avais mis dans le tagine, mais oh là là. Quand même, ouais, d'accord. Que c'est triste. Bon, on va pas rester debout, on va passer à table. Hein. Non, ça va pas être possible en fait. Pourquoi? Non, mais on venait juste pour voir si tout allait bien, et ça a l'air d'aller, donc on va continuer la tournée. Vous allez où? Ouais, là on va à Cuba, voir Castro, puis comme c'est sur le chemin, on s'arrête à Pyongyang pour saluer Kim Jong. Ah, très bien, vous allez les saluer de ma part. Sans faute. Dites, c'est quoi ce bruit là dehors? C'est rien, c'est une tradition locale. D'accord. Bon, ah, vous êtes certain pour les tagines? Oh là, oui, certain. Ça va. Oh, quel rôle on magnifique. On avait envie de rester. Et votre talent d'actrice, Morane. Je rappelle votre livre Trop Forte, paru chez Michel Lafon. Votre dernier album s'appelle Ouvre. Et puis vous serez en tournée à partir du mois de mars en France et en Belgique, le 19 mai au Folies Bergères à Paris, le 7 mai, je me rappelle, au Cirque Royal de Bruxelles. Merci beaucoup, merci à tous. Nous, demain, eh bien, nous serons au Salon de l'Agriculture avec Geneviève de Fontenay. Ça va être quelque chose. Mais ça va être très très chouette. Si vous êtes dans quoi Morane passait. Je voilà. l'adore en plus. Ah et puis c'est vrai. On, je suis sûr qu'on va rire. On remercie aussi notre voisine de bureau Daphné Roulier, dont l'émission des La Vie est un jeu, c'est samedi à 19h20. Elle reçoit Marjane Satrapi. Ça va pas être triste. Et puis André Manoukian, avant, il y aura votre émission, bien sûr, vendredi soir. Partons en live. Et puis on va laisser le mot de la fin à François Hollande, qui est à Manille, bien au chaud, entre deux jolies actrices. Si vous étiez coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps ? Oh ben, ça dépend de ce qu'on aurait pour survivre.